Ouais. Hier, j'ai eu des auditeurs qui m'ont téléphoné. Et du coup, eh bien, je leur dédicace, ils se reconnaîtront. L'arme de vie! Le jardin des souvenirs! Je cueille des fleurs, chaque pétale rencontre une histoire, douce ou en pleurs. Les roses m'ont appris à aimer, sans détour. Les épines à vivre chaque jour. La vie, un voyage, un chemin à tracer. Entre les rires et les larmes, on apprend à danser. Et chaque instant, chaque pas nous façonne, nous guide. Ce grand livre, chaque page est une ride. Les étoiles au ciel, des rêves à portée de main, les nuages sombres, les leçons sans fin, les éclats de rire, les éclairs de lumière, les chagrins des ombres passagères. La vie est un voyage, un chemin à tracer. Entre les rires et les larmes, on apprend à danser. Chaque instant, chaque pas nous façonne, nous guide. À ce grand livre, chaque page est une ride. Les rivières de joie coulent en mon cœur, les tempêtes de tristesse, des épreuves sans peur, les doux murmures du vent, des secrets partagés, des cris de tonnerre, des vérités dévoilées. La vie est un voyage, un chemin à tracer. Entre les rires et les larmes, on apprend à danser. Chaque instant, chaque pas nous façonne et nous guide. Ce grand livre, chaque page est une ride. Les montagnes de défis, les sommets à gravir, les vallées de paix, des moments à chérir, les rayons de soleil, des promesses d'espoir, les nuits étoilées, des rêves à revoir. La vie est un voyage, un chemin à tracer. Entre les rires et les larmes, on apprend à danser. Et chaque instant, chaque pas nous façonne et nous guide. Ce grand livre, et chaque page, putain de ride. « les chemins sinueux, les choix à faire, les routes droites, les moments de lumière, les ponts que l'on construit, les liens d'amitié, les murs que l'on brise, des libertés retrouvées. La vie, un voyage, un chemin à tracer, entre les rires et les larmes, on apprend à danser. Et chaque instant, chaque pas nous façonne, nous guide. Et ce grand livre, chaque page, une ride. Les saisons qui passent, des chapitres écrits, les souvenirs gravés, les trésors infinis, les sourires partagés, les éclats de bonheur, les larmes versées, des gouttes de douceur. Des gouttes de douceur. La vie est un voyage, un chemin à tracer, entre les rires et les larmes, on apprend à danser. Et chaque instant, chaque pas nous façonne, nous guide. Ce grand livre, et chaque page est une putain de ride. Les rêves que l'on poursuit, des étoiles à atteindre, les peurs que l'on affronte, des forces à éteindre, les chemins que l'on trace, des histoires à compter, les vies que l'on touche, des âmes à aimer. La vie, un voyage. Un chemin à tracer, entre les rires et les larmes, on apprend à danser. Chaque instant, chaque pas nous façonne et nous guide. Ce grand livre, chaque page est une ride.